السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. على غاز الله سبحانه وتعالى durant ces nombreuses assises nous avons appris à connaître l'importance de l'étude de la sira, la biographie du dernier prophète et messager Muhammad ibn Abdillah صلى الله عليه وسلم. Allah تبارك وتعالى a écrit même au meilleur de ses messagers al-maut, la mort. Il leur a décrété cela au meilleur et à ceux qui ont été élus, à savoir les prophètes et les messagers alayhim as-salat wa salam. Avant d'entrer dans ce sujet qui est le dernier point de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avions mentionné la semaine passée la dernière expédition envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec à la tête de l'armée Usama ibn Zayd, le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suite à l'annonce de l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont hésité à sortir. Les musulmans ont hésité à s'éloigner du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'on venait leur faire l'annonce de l'augmentation, ou plutôt l'annonce de l'état très difficile dans lequel se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont divergé entre eux et ils sont venus voir Abu Bakr et d'autres parmi les compagnons. Une des grandes causes de leur crainte, en plus de se séparer du prophète alayhi salatu wassalam et de craindre son décès, il y avait le fait que les Arabes de la péninsule arabique étaient instables. Donc on redoutait la sortie de cette armée de Medina, car ces Arabes pouvaient attaquer Al-Madinah en l'absence de l'armée des musulmans. C'est la raison pour laquelle ils sont partis voir Abu Bakr et ont débattu avec lui sur cette question. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va sauter un passage puis revenir dessus car c'est en relation avec Abu Bakr, suite au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose faite par Abu Bakr fut de dire à Usama de lever son armée et de sortir où l'avait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même à ce moment-là, ils sont venus trouver Abu Bakr. Et ils lui ont dit, comment est-ce que tu peux sortir l'armée de l'Médina alors qu'il y a des gens qui sont sortis du din, alors qu'il y a des gens qui sont instables? Il entendait par cela les Arabes de la péninsule arabique. Abu Bakr radiallahu anhu leur a dit, même si les fauves me venaient à Médine pour s'emparer de mon corps, j'appliquerai la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'enverrai Usama radiallahu anhu où l'avait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a ordonné de lever son armée et de se diriger où l'avait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent qu'Allah Azza wa Jalla l'a assisté et l'a secouru et ils sont rentrés sains et saufs. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mentionne des suites du comportement de Abu Bakr dans cette grande épreuve après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, le fait que sa préoccupation était d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'appliquer ce qu'il avait voulu se voir concrétiser. Ibn Taymiyyah nous dit des suites de ce passage, il y a ici un mérite évident pour le meilleur d'entre nous, Abu Bakr. Il y a ici un mérite évident pour le meilleur d'entre nous, Abu Bakr. Ça nous montre la force de religiosité qu'il avait, la force de foi et la certitude, son intelligence et sa noble vision des choses. Passons maintenant au dernier chapitre dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala wa huwa mawtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir en premier lieu que les savants sont tous d'accord pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en l'an 11 après l'Hégire. En l'an 11 après l'Hégire. Dans le mois de Rabi' al-Awwal. Deuxième information, dans le mois de Rabi' al-Awwal. Troisième information, c'était un lundi. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur ces points-là. Il est décédé en l'an 11 après l'Hégire, l'année qui a suivi le pèlerinage d'Adieu. Il est décédé dans le mois de Rabi' al-Awwal. Et il est décédé, c'était un lundi. Sallallahu alayhi wa sallam. On trouve cela dans Bukhari et Muslim que Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que Abu Bakr présidait la prière pour les musulmans durant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour où il décéda le lundi. Jusqu'au jour dans lequel il décéda le lundi. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala nous dit: il y a le consensus des gens de science à ce sujet. Reste à savoir quel jour était ce lundi. Beaucoup de savants, si ce n'est la plupart même, disent que c'était le 12. Al-Jumhur, la plupart des savants disent que c'était le 12. Mais ce qui est le plus appuyé, c'est de dire que c'était au tout début du mois de Rabi' al-Awwal. Au tout début du mois, le 2. Naam, pas le 12, mais le 2. Et lorsqu'on calculera après avoir reçu l'information prochaine, on verra donc que sa maladie lui a été très très pénible durant 12 jours, voire 13, puis il décéda. Sallallahu alayhi wa sallam. Après le Hajj, le pèlerinage d'Adieu, qui est durant le mois de Dhul-Hijjah, donc le dernier mois, il a vécu le mois de Muharram, premier mois, le mois de Safar, le deuxième mois, puis quelques jours du mois de Rabi' al-Awwal. Puis quelques jours du mois de Rabi' al-Awwal. Et vous vous souvenez tous que la religion a été complétée dans sa législation le vendredi, le jour de Arafah, le neuvième jour de Dhul-Hijjah, alors que le prophète sallam faisait la khutbah et Allah lui, azza wa jalla, lui révéla: al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Et ceci était la mission du prophète alayhi salatu wassalam, transmettre la religion d'Allah. Vu qu'elle a été complétée, ça veut dire qu'il ne lui reste pas beaucoup à vivre, car il a rempli sa mission et a parfait son devoir sallallahu alayhi wa sallam. Le début de sa maladie et la cause de toute la fin de cette histoire remonte en l'an 7 après l'Hégire, suite à l'ouverture de Khaybar. Il nous faut remonter en l'an 7 après l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert Khaybar. Et à Khaybar, c'était Ahlul Kitab. Un jour, une femme yahoudia a préparé un repas pour l'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant cela, elle questionna sur sa partie préférée de la bête. Il lui fut dit: c'est le katif, c'est l'épaule. L'épaule du mouton ou de l'agneau ou autre. Alors, elle a préparé à manger. Et elle a offert cela au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam acceptait al-hadaya, les cadeaux, et n'acceptait pas al-sadaqat, les aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wassalam ainsi que les gens de sa famille n'ont pas le droit à l'aumône. Puis le prophète sallallahu alayhi wassalam a porté sa main au repas. Et il a dit à ses compagnons, mangez. Et lorsqu'ils ont commencé à porter cela à leur bouche, il leur a dit, retenez vos mains. Cette bête est empoisonnée. Cette viande est empoisonnée. Cette femme avait empoisonné cette viande et ce repas qu'elle avait donné au prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'elle questionna sur sa partie préférée, c'était pour mettre le plus de poison possible à cette partie, subhanallah, dans cette partie. Dans une autre version, retirez vos mains, elle m'a informé qu'elle était empoisonnée. Ça, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordé au prophète alayhi salatu wassalam. Et la plupart ont été épargnés, sauf un parmi les sahaba. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté cela à sa bouche, mais sur le coup, ça ne l'a pas assassiné. Et il y a de grandes sagesses en cela, c'est que le message n'était pas parachevé, c'est que le message n'était pas complet. Une autre grande sagesse, ça marque la véracité de la prophétie, vu qu'il a été informé de cela. Par la suite, il a convoqué cette femme et lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Elle a dit, j'ai voulu voir si tu étais véritablement un prophète. Si tu es véridique, cette viande ne te tuera pas. Et si tu es menteur, alors on se libérera de toi, on se reposera de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas vengé d'elle pour sa personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas vengé d'elle pour sa personne. Alors qu'elle a fait cet acte qui est des plus graves, dirigé envers le plus noble sallallahu alayhi wa sallam. Mais des années après, les effets de ce poison se firent sentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à souffrir à la fin du mois de Safar. Il a commencé à souffrir à la fin du mois de Safar, en l'an 11. Puis, cela durant 12 jours, jusqu'à arriver dans le mois de Rabi' al-Awwal. D'autres ont dit, le point culminant de sa difficulté était un jeudi, le fameux jeudi. Il est resté dans cet état durant une semaine, jusqu'à ne plus pouvoir se lever pour présider la prière à la mosquée qui était collée à son appartement où il y avait Aïcha. C'est comme si ça donnait sur cette porte. C'est-à-dire qu'il était vraiment collé à la mosquée. En ouvrant la fenêtre, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui la lucarne, il avait vu sur la mosquée. Malgré ça, il n'avait plus la capacité, devant la lourdeur de la douleur, de la maladie, de se tenir debout pour venir à la mosquée. Alors il a ordonné à Abu Bakr de faire l'imam. Il a dit, ordonne à Abu Bakr de faire la prière. Aïcha radiallahu anha a tout fait pour qu'il délègue cela à Omar. Mais le prophète sallam n'a pas accepté cela. Donc on retiendra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté malade au plus haut point durant 12 voire 13 jours. Durant 12 voire 13 jours. Notez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à 63 ans. Il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, à 63 ans. Dans le Bukhari et Muslim, Aïcha radiallahu anha nous informe du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait 63 ans. Anas ibn Malik mentionne également cela. On trouve dans une version, alors qu'il avait 60 ans. alors qu'il avait 60 ans. Et cette version n'est pas un problème, car les Arabes supprimaient les dizaines. Les Arabes supprimaient les unités. Par exemple, au lieu de dire 63, ils disaient 60. Au lieu de dire 42, ils disaient 40. C'est pour ça qu'on appelle le livre des 40 hadiths, alors qu'il y a 42 hadiths. On dit l'arba'in al-nawawiyya, les 40 hadiths, bien qu'il y en a 42. Donc le fait de supprimer l'unité d'arrondir, c'est une habitude connue et largement répandue chez les Arabes. Donc il est décédé à 63 ans. Et un des signes de cela qu'on avait mentionné dans le cours sur le pèlerinage d'adieu, c'est que le dixième jour, le jour du grand pèlerinage, le jour où on sacrifie les bêtes, le prophète alayhi salatu wassalam avait 100 bêtes et il en a sacrifié 63 de sa noble main. Il a sacrifié 63 bêtes de sa noble main et a donné le reste, les 47, à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, comme s'il y avait en cela un signe de son âge de décès. Est-ce qu'il y a des versets et des hadiths qui nous ont informés en avance de son décès? En effet, on trouve des textes explicites dans le Coran, d'autres dans la Sunna, puis certains textes implicites dans le Coran et également dans la Sunna. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَوِنْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et Mohammed n'est qu'un messager qui est passé comme avant lui d'autres messagers. S'il meurt ou décède, s'il meurt ou bien est assassiné, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Celui certes qui retourne sur ses pas ne nuira en rien à Allah. Et Allah rétribuera les reconnaissants. Ici, on nous mentionne clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un messager comme les messagers passés avant lui et qu'il est mortel. Et qu'il est mortel sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre verset encore plus explicite: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Assurément, tu mourras et ils mourront. Innaka mayyitun, ça veut dire tu es mortel, tu vas mourir. Wa innahum mayyitun, et eux aussi mourront. Dans un autre verset encore, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld, et nous n'avons pas accordé à un humain avant toi l'éternité. Afa imitta fahum al-khalidun, et si toi tu mourras, est-ce que eux resteront éternellement? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Allah Azza wa Jal, dans notre verset implicite, nous dit: Wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et l'au-delà est meilleur pour toi que ce bas monde. Donc ça nous montre qu'il va passer de ce bas monde à l'au-delà tôt ou tard. Allah nous dit également: Kullu man 'alayha fan. Tout ce qui est sur elle, c'est-à-dire sur la terre, doit disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Seul subsistera la face de ton Seigneur. Celui qui est plein de magnificence et de noblesse. Aussi dans le verset qui lui a été révélé le jour de Arafah, il y a l'annonce de sa mort, vu que la religion est complète. Quelle est la dernière sourate? Quelle est la dernière sourate qui a été révélée entièrement sur le prophète alayhi salatu wassalam? Du premier verset au dernier verset. Quelle est cette sourate? La dernière sourate qui a été révélée sur le prophète alayhi salatu wassalam. Sourate al-Nasr. Idha ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Cette sourate, إِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, est la dernière sourate qui a été révélée sur le prophète alayhi salatu wassalam entièrement. Un jour, alors que Omar ibn Khattab faisait entrer Ibn Abbas dans les assises des grands parmi les compagnons, et Abdullah faisait partie, radiallahu anhu, des petits compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Il était enfant lors de son vivant et de son décès. Naam, il était très jeune, il était, on peut dire adolescent. Omar al-Khattab, malgré tout, le faisait entrer dans les réunions des grands, parmi les compagnons, les gens de la bataille de Badr, Abdurrahman ibn Aouf et autres. Alors Abdurrahman ibn Aouf et autres lui disaient, pourquoi est-ce que tu fais entrer cet enfant dans nos assises alors que nous avons des enfants de son âge que nous n'amenons pas? Omar al-Khattab leur disait, il n'est pas comme nos enfants. Il n'est pas comme nos enfants. C'est-à-dire que c'est un savant. Il a une particularité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, a fait dua pour lui lorsqu'il était enfant. Suite à son bon comportement, il lui a apporté de l'eau durant la nuit. Il a scruté le prophète, alayhi salatu wassalam, pour remplir ses besoins. Il lui a apporté de l'eau. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, qui est-ce qui a amené cela? Maïmoun, à la tante de Abdullah ibn Abbas, car lui venait dormir chez elle pour prendre la science. Pour apprendre du prophète, alayhi salatu wassalam, il venait dormir chez sa tante, subhanallah. Et il dormait auprès d'eux. Et lorsque le prophète s'est levé une nuit pour aller faire ses besoins, il est revenu, Abdullah ibn Abbas, de par son intelligence, il s'est dit, de quoi va avoir le besoin le prophète sallam? Et il est parti chercher de l'eau et lui a préparé. Quand le prophète alayhi sallam est revenu, il a trouvé cette eau, et il a dit, mais qui est-ce qui a fait ça? On lui a dit, Abdullah. Il a fait dua pour lui. Et un jour, il a dit, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Oh Allah, instruis-le dans ta religion. Faisons un savant de la religion. Et enseigne-lui l'exégèse du Coran, le tafsir. Enseigne-lui le tafsir du Coran. Abdullah ibn Abbas est devenu un grand savant de l'islam. Omar al-Khattab le faisait entrer. Un jour, il a voulu justifier cette particularité qu'il accordait à Abdullah ibn Abbas. Car on n'a pas le droit de distinguer entre les enfants si ce n'est par des particularités. Sinon, on doit les traiter de manière égale, équitablement. Et l'équité, ça peut être de donner plus à lui et moins à l'autre. Ça peut être l'équité et la justice. Parce que lui a plus de dépenses et lui en a moins, par exemple. Ou bien dans l'héritage, on va donner une demi-part à la fille et une part complète à l'homme, car c'est l'homme qui va dépenser pour cette sœur par la suite. C'est lui qui va payer les courses, qui va payer le loyer, et ainsi de suite. Or, elle va garder son argent pour elle. Puis par la suite, lorsqu'elle sera épousée, on va lui donner sa dot. Puis par la suite, elle sera entretenue et chérie, et ainsi de suite. Donc, l'équité, ça ne veut pas dire l'égalité. Celui qui dit, je dois être équitable envers mes enfants, l'enfant de 3 ans et l'enfant de 15 ans, est-ce qu'il peut les nourrir de la même façon? S'il donne à l'enfant de 3 ans ce qu'il donne à l'enfant de 15 ans, il va l'assassiner. Et s'il fait porter à l'enfant de 3 ans ce qu'il fait porter à l'enfant de 15 ans, il va lui faire du mal. Donc il faut donner à chacun selon son besoin. Revenons à Abdullah ibn Abbas. Omar ibn Khattab était dans une assise, il y avait Abdullah ibn Abbas. Il était avec les grands compagnons. Il a dit aux compagnons, que dites-vous de « Idha ja'a nasrullahi wal fatah » Que comprenez-vous de cette sourate? Chacun a répondu, ils ont dit ce qui était apparent dans la sourate. Puis il a dit, Ibn Abbas, et toi, qu'est-ce que tu comprends de la sourate? Abdullah ibn Abbas a dit, Hadhi sourate, ajalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate, c'est l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Omar ibn Khattab, les compagnons sont étonnés. Et Omar ibn Khattab a dit, je ne connais pas plus sur cette sourate que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que idha ja'a nasrullahi wal fath, lorsque le secours d'Allah viendra ainsi que l'ouverture, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, et que tu verras les gens en masse entrer dans la religion, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Proclame la pureté de ton Seigneur et sa louange et demande pardon à Allah. Innahu kana tawwaba, c'est certes le grand accueillant repentir. Arrivé à cet état, tu auras rempli ta mission. Il ne te restera plus qu'à prendre tes provisions pour revenir vers Allah. C'est ça le message. C'est ça le message de la sourate. Abdullah ibn Abbas l'a expliqué. Et avant lui, Abu Bakr al-Siddiq avait compris cela. Ainsi, cette sourate comprend l'annonce de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les vieux prédécesseurs disaient, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a deux garanties devant le châtiment. La première garantie, c'est tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera vivant parmi les compagnons, ils auront cette première garantie. Allah azza wa jalla ne sortira pas un châtiment général. La deuxième garantie, c'est l'istighfar. C'est le fait de demander pardon à Allah pour ses péchés. En effet, Allah nous dit dans le Coran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah ne va pas les châtier alors que tu es auprès d'eux. Allah ne les châtiera pas tant qu'ils demandent pardon. Dans le tafsir, on trouve qu'il disait qu'il y avait deux garanties. La première est partie, ne délaissez donc pas la deuxième. La garantie, c'était que tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant parmi les compagnons, ils ont cette sécurité. Après son décès, il leur reste une sécurité, c'est de demander pardon à Allah. Tant qu'il y a l'istighfar pour les péchés, tant qu'on s'efforce de ne pas tomber dans le péché, et dans le cas où on tombe, on demande pardon à Allah Azza wa Jal, c'est une sécurité. C'est une garantie. On ne peut plus avoir la première, car Allah Azza wa Jal a repris l'âme de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne faut pas pour autant délaisser la deuxième, la demande de pardon. Et ça, c'est un des grands mérites de l'istighfar. Et c'est un des grands mérites d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve également dans la sunna ces textes qui nous montrent l'annonce du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour, Jibril avait l'habitude chaque année de mentionner le Coran une fois, mais cette année il me l'a enseigné deux fois. Et je ne vois à travers ça que l'annonce de ma mort prochaine. Subhanallah. Je ne vois à travers cela que l'annonce de ma mort prochaine. Et subhanallah, tu trouves parmi les gens pieux qui, lorsqu'ils se dirigent vers leur retour vers Allah Azza wa Jal, ou bien quand il est proche, qu'ils se dirigent vers quoi? Vers la lecture du Coran. Vers la lecture du Coran. Celui qui se voit malade et proche de son retour vers Allah Azza wa Jal, falyuqbil ala tilawati al-Qur'an. Qu'il lise beaucoup le Qur'an, qu'il prenne ses provisions. Parce que c'est une des plus grandes provisions avec laquelle tu peux venir le jour de la résurrection. Le Qur'an va intercéder pour ses adeptes, ceux qui le mettaient en pratique, ceux qui le lisaient. Je l'ai empêché de dormir. Permets-moi d'intercéder en sa faveur. Je l'ai empêché de dormir, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le jeune dira, je l'ai empêché d'assouvir ses désirs, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et pour chaque lettre lue, il y a 10 récompenses. Pour chaque lettre lue du Coran, il y a 10 récompenses. Puis, à la suite du hadith, puis il a dit, wa innaki, il a dit ensuite en s'adressant à Fatima, sa fille, radiallahu anha, et tu es certes la première de ma famille qui me rejoindra. En effet, elle est décédée combien de temps après? Six mois après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans le pèlerinage d'adieu, nous avons également cité des signes de l'annonce de la mort du prophète alayhi salat wa salam. Lorsqu'il jetait les pierres sur la stèle, il a dit aux compagnons, « Lita'khudhu anni manasikakum. Apprenez de moi vos rites. La'alli la'adri la'ahujja ba'da yawmi hadha. Je crains de ne plus pouvoir faire le pèlerinage après cette année-là. » Ça, c'est un signe que sa fin est proche. Parce qu'il est en train de les encourager à puiser la science de lui, à apprendre de lui, à le regarder, à apprendre le hajj de lui et autres, parce que il se peut, c'est fort probable qu'il ne refasse pas le pèlerinage. Et en effet, Allah Azza wa Jal a voulu cela. Dans le recueil de l'imam Muslim Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idha dhahabat an-nujum ata as-sama ama tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les étoiles sont-elles une garantie pour les cieux? Lorsque les étoiles disparaîtront, touchera ou les cieux seront touchés, yani par un mal, par des troubles et autres. Et je suis moi une garantie, une sécurité pour mes compagnons. Et le jour où je partirai, touchera mes compagnons, c'est-à-dire, yani ce qu'ils redoutaient, c'est-à-dire une fitna. Puis il a dit: et mes compagnons sont pour ma communauté une garantie. Et lorsque mes compagnons partiront, la communauté sera touchée. Donc on voit que ici le prophète alayhi salatu wassalam les informe qu'il est présent, mais que viendra un moment où il ne le sera plus. Où il ne le sera plus. Maza, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Muhammad, ô Muhammad, عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الحديث. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, et ce hadith je l'ai appris de la bouche de mon enseignant rahmatullahi alayhi Fahd, rahmatullahi alayhi, celui qui nous a enseigné pour la première fois l'aqidah, de qui on a profité, jazahullahu khayran, de ses nobles caractères. Allahumma ghfir lahu warham. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô Muhammad, vis autant de temps que tu voudras. Tu seras amené à mourir. Et quelle que soit ta longévité de vie, sache que la finalité sera la mort. Donc ici, il y a une annonce claire sur le fait que le prophète est mortel et qu'il est créé par Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah a décrété, comme sur les autres, al-maut, sur son message. Ô Muhammad, vis ce que tu voudras, le temps que tu voudras, tu seras amené à mourir. Et aime qui tu voudras, tu seras amené à t'en séparer. Et fais ce que tu veux, mais sache que tu en seras rétribué. Selon tes actions, tu seras rétribué. Et sache que la noblesse du croyant réside dans sa prière de nuit. Lorsqu'il se lève la nuit, il prie Allah Azza wa Jalla jusqu'à la fin du hadith. La leçon de ce hadith est que quels que soient tes agissements, sache qu'il y a une finalité qui sera le retour vers Allah Azza wa Jal. Quels que soient tes agissements, quel que soit le temps que tu resteras, quels que soient les liens que tu tisseras avec les gens, sache que tu vas revenir vers Allah et va te juger. S'il en est ainsi, il faut que nos liens soient basés sur la sincérité. Il faut que nos liens soient basés sur l'amour en Allah Azza wa Jal. L'action, elle doit être sincère pour Allah. Et nos liens doivent être sincères. Pourquoi il n'y a que ça qui va rester chez Allah? Quant aux autres, Allah Azza wa Jal nous mentionne dans le Coran, « وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ » Leurs liens, ils vont se briser. Qui sont-ils? Ceux qui avaient des liens entre eux, qui n'étaient pas basés sur l'amour pour Allah Azza wa Jal. Allah nous dit même que ces amis-là, ils seront tous les ennemis les uns des autres. Puis on nous dit, sauf les pieux. Sauf les pieux. Tous ceux que tu vois ensemble, dans le haram. L'un, il appelle l'autre, il lui dit, il y a un plan, viens. L'un, il appelle l'autre, il dit, viens, on va faire ça, t'inquiète pas. Et c'est dans le haram, on a peur pour eux qui rentrent dans ces versets-là. On a peur pour eux qu'Yom al-Qiyama, ils vont être les ennemis les uns les autres. Si la propre mère et le propre père refusera de donner une hasana à son enfant, vous pensez que les amis qui sont haram, ils vont s'accorder le pardon mutuel? Ils vont se donner des hasanat? Jamais. L'ange va venir se saisir d'un, il dira prends l'autre, prends-le lui, laisse-moi moi, prends-le lui. Les parents vont fuir, les enfants vont fuir les parents vont fuir les enfants. Que pensez-vous donc de ces gens-là qui se sont unis dans le haram? Na'oudhu billah. Quant à ceux qui se sont unis dans le bien, ils se sont connus dans le bien, ils se sont aimés pour Allah, ils sont assis dans les assises de science, Allah Azza wa Jal va les honorer d'une manière qu'on ne peut imaginer. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous mentionne certains exemples. Il nous dit par exemple, il va les placer sous l'ombre de son trône le jour du jugement dernier. Ceux qui sont aimés pour Allah. Il nous dit par exemple qu'il va les ressusciter sur des trônes de perles précieuses. Des trônes, des chairs de perles précieuses. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aimés pour Allah. Ils se sont liés, pas pour obtenir des biens de ce bas monde, mais que parce que lui, c'est un croyant. Que parce que il aime Allah et son messager. Alors il l'a aimé. Pas parce qu'il lui donne. Pas parce qu'il le défend. Non. Juste parce qu'il pose son front par terre pour Allah Azza wa Jal tabaraka wa ta'ala. Juste parce qu'il suit la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Il l'a aimé pour ça. Peut-être qu'il l'aime plus que son frère de sang qui n'est pas sur la sunna. Peut-être qu'il l'aime plus que des proches qui sortent du même ventre que lui. Juste parce que c'est un croyant pieux. Et ces sens-là, nul ne peut les comprendre si ce n'est celui qui a goûté à l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, à l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala. Un autre hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il l'a envoyé faire da'wah aux gens du libre. Il les a invités à l'islam. Au jour d'aujourd'hui, le Yémen, alhamdulillah, il y a sunna wa tawhid, ou bien tawhid wa sunna. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il purifie le Yémen de ceux qui sèment le trouble et de ceux qui insultent les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, al-rafidah, al-dullal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen pour qu'il propage l'islam. Et il lui a dit, « Ya Mu'adh, innaka asa alla talqani ba'da yawmi hadha. » Ô Mu'adh, il se peut, ou j'ai bien peur que tu ne me rencontres plus après ton départ, après ce jour-ci. Hein? Est-ce qu'on peut imaginer cette scène? Tu es avec ton bien-aimé. Tu es un jeune homme parmi les savants de la communauté. Mu'adh ibn Jabal, c'était un jeune homme, mais c'était un savant. Le prophète sallam a dit, en faisant ses éloges, que c'est un de ceux qui connaissent le mieux le halal et le haram. C'est un faqih. Et après la mort du prophète, les compagnons le respectaient beaucoup. À la fin, il avait des assises de science et les gens venaient de partout pour prendre la science de lui. Et quand il rentrait à la mosquée, il disait, qui est ce jeune qui est assis, tout le monde autour de lui? Dès qu'il dit une chose, tout le monde l'applique. Ils ont dit, lui, c'est Mu'adh ibn Jabal, le compagnon du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette grande place. Les ulama, ils étaient respectés. Les savants, ils étaient immensifiés. Les savants du Coran, la sunna, les sahaba, puis ceux qui sont venus après eux, jusqu'à notre époque, si ce n'est pour ceux qui ont une maladie au cœur, ou bien sont ignorants de ce droit qu'Allah Azza wa Jalla a accordé aux savants. Hafidhahumullahu ta'ala. Ô Mu'adh, j'ai bien peur que tu ne me revoies plus après ce jour-ci. Ou la'allaka an tamurra bi masjidi aw qabri. Ou il se peut qu'à ton retour, tu ne passes qu'à côté de ma tombe ou à côté de ma mosquée. Fabaka Mu'adh. Mu'adh a fondu en larmes. Mu'adh radiallahu an a fondu en larmes à l'idée de se séparer de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Puis à l'idée de ne pas avoir la capacité de le revoir, si ce n'est yom al-qiyama ou fil jannah. Ça, c'est une lourde épreuve. Vous voyez comment les sahabas ont sacrifié leur vie pour l'islam. On lui disait, tu vas au Yémen, il ne sait même pas s'il va revenir ou pas. Il ne sait pas s'il va revoir sa famille ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus important que sa propre famille. Et il part avec l'ilm. Et il va propager le dîn. Et il réunit les gens. Il leur montre qui est Allah. Il leur décrit Allah, la perfection d'Allah. Et il leur dit, dites la ilaha illallah. Adorez Allah d'un culte sincère. S'ils acceptent, alhamdulillah. S'ils n'acceptent pas, ils continuent le patient. Puis il va voir une autre personne. Puis un groupe. Puis, subhanallah. Ça, c'était les sahaba, radiyallahu anhu. Au jour d'aujourd'hui, des gens prétendent être des prêcheurs, ils appellent pas au tawhid. Des gens prétendent être des prêcheurs, mais ils mettent en garde contre les prêcheurs au tawhid. Où sont-ils devant Mu'adh, radiyallahu anhu, jeune homme qui sacrifie son temps, sa vie pour l'islam? Puis le prophète alayhi salatu wassalam avance avec lui et Mu'adh est sur sa monture. Subhanallah. Il est sur sa monture et il avance et le prophète sallam marche à ses côtés et il lui parle. Et Mu'adh se dit, il ne va plus jamais revoir le prophète sallam et il pleure. Naam, et il pleure. Puis il est parti, Allah azza wa jalla a ouvert le Yémen et il a propagé le dîn au Yémen. Et il y a eu des savants de la sunna au Yémen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tout cela, mes chers frères, est l'introduction qui nous montre qu'il y a eu l'annonce faite de la mort du prophète alayhi salatu wassalam dans le Coran et l'annonce faite de la mort du prophète alayhi salatu wassalam dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ. Dit, Allah Azza wa Jalla lui ordonne de dire dans le Coran, dit, je ne suis qu'un humain comme vous. Yuha ilay. Mais la révélation m'est faite. C'est-à-dire, je suis un humain comme vous, je suis mortel comme vous, je suis né, je vais mourir comme vous. Je suis sujet à la maladie, à la tristesse et à la joie comme vous. Mais j'ai une particularité. C'est qu'Allah m'a élu. Yuha ilay. Je suis un prophète, un messager. Yuha ilay. Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque où il a élu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait détesté la majeure partie des habitants de sa terre. Les Arabes, les non-Arabes, si ce n'est une minorité parmi les gens du livre, et ceux qui étaient sur la voie de Ibrahim alayhi salam. La voie de Ibrahim alayhi salam. Et lorsqu'il a voulu les faire sortir des ténèbres, du polythéisme, du shirk, du kufr, de l'injustice, de l'ignorance, il y avait un désordre que vous ne pouvez imaginer. Les tribus s'agressaient les uns les autres pour rien. Si on faisait du mal à une personne, cette tribu se levait et allait et éradiquait toute la tribu, hommes, femmes et enfants. Subhanallah, vous imaginez? Il n'y avait pas la sécurité. Les plus forts mangeaient les plus faibles. Il n'y avait pas de stabilité politique parce qu'il y avait un gouverneur dans chaque contrée. Il faisait des liens, des pactes et il trahissait le dépôt. Les riches pratiquaient l'usure sur les pauvres. Il leur prêtait de l'argent et lui disait, tu me dois tant. Et si tu dépasses telle date, tu me dois tant. Et quand il ne pouvait plus payer, il lui disait, ta maison, elle m'appartient désormais. Exactement comme certaines entreprises au jour d'aujourd'hui. Elles prêtent de l'argent, elles poussent les pauvres à emprunter. Avec un taux, ça s'appelle riba, l'usure, et c'est un grand péché. Puis elle les pousse à faire ça. S'ils ne remboursent pas en temps voulu, ils augmentent les intérêts. Et quand ce dernier ne peut plus rembourser, il lui rachète sa dette à plus faible prix. Et il lui rachète son entreprise, il lui rachète sa demeure et ainsi de suite. C'est pour ça qu'Allah interdit les intérêts. Ça détruit les sociétés, ça détruit les peuples qui disent d'eux-mêmes qu'ils sont civilisés. Et il n'y a qu'à suivre l'actualité des pays développés, qu'ils appellent développés, pour témoigner de cela. L'islam, lorsqu'il interdit une chose, c'est pour une grande sagesse. C'est pour une grande sagesse. Quant à la situation religieuse, ils étaient dans le polythéisme pur. Il y avait autour de la Kaaba plus de 365 idoles adorant dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils faisaient le hajj. Ils adoraient Allah et autrui. Ils faisaient du dhikr, ils mentionnaient Allah et autrui. En cela, ils étaient associateurs. Quant à la situation sociale, c'était le désordre. C'était le désordre. Il n'y avait pas de sérénité, de tranquillité, de bonheur. Il y avait des classes sociales différentes et le plus fort écrasait le plus faible. Quant à la situation de la femme, elle n'avait pas le droit à la vie, plus de quelques jours. Lorsque la femme enfanta, on scrutait son accouchement pour savoir est-ce qu'elle va accoucher d'un garçon ou d'une fille. Si elle accouchait d'un garçon, on remerciait. Et si elle accouchait d'une fille, on implorait la malédiction sur soi. Et on prenait cet enfant, on allait l'enterrer, le trou était déjà creusé. Allahu Akbar. Quant à l'histoire qui est mentionnée de Omar ibn Khattab, qu'il a fait ça, elle n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique. Donc certains enterraient leur fille vivante. Ou bien ils la gardaient avec humiliation, comme c'est mentionné dans le Coran. Vais-je l'enterrer? Ou bien vais-je la garder? En vivant une vie d'humiliation. C'est un climat de guerre. Donc il voulait des garçons. C'était un climat de besoin et de disette. Donc il voulait des garçons pour travailler. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit et Annie, ne tuez pas vos enfants. Wala taqtulu anfusakum madha wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dans l'autre verset, min imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Et ne tuez pas vos enfants par pauvreté, à cause de la pauvreté. Nous leur donnerons leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Dans l'autre verset, et ne tuez pas vos enfants par peur de devenir pauvres, nous vous donnerons votre subsistance ainsi qu'à eux-mêmes. Remarquez que dans le premier verset, on nous dit qu'on va donner la subsistance aux enfants ainsi qu'aux parents. Dans le second verset, on dit aux parents ainsi qu'aux enfants. Pourquoi dans le premier verset, on commence par les enfants et dans le second, on commence par les parents? Dans le premier, par les enfants, dans le second, par les parents. Les enfants, les parents. C'est quoi la différence? C'est une grande sagesse dedans. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans le sharh de Kitab al-Tawhid, nous dit le premier cas, c'est le cas de celui qui est pauvre. Donc il a peur d'avoir des enfants qui vont accroître sa pauvreté. Vous avez compris? Alors Allah Azza wa Jal dit, c'est nous qui allons leur donner à manger. Vous êtes pauvres? C'est nous on leur donne à manger. C'est nous on va leur donner en subsistance. Ainsi qu'à vous-même, vous les pauvres. Est-ce que c'est compris? Le deuxième cas, ils ne sont pas pauvres. Mais ils ont peur qu'avec ces enfants, ils le deviennent. Alors Allah Azza wa Jal dit, c'est nous qui allons leur donner. Dans le premier, c'est nous qui allons vous donner, parce que vous êtes pauvres. Dans le deuxième, c'est nous qui allons leur donner. Ça ne va pas vous appauvrir. Ça, c'est une idéologie purement non musulmane. J'ai un enfant, j'ai deux enfants, c'est trop, c'est beaucoup. Je prends des moyens de contraception pour ne plus jamais tomber enceinte. Ça, c'est des gens qui n'ont pas foi en Allah. Ça, c'est des gens qui n'ont pas التوكل على الله. Place pas leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent pas que c'est Allah azza wa jal qui donne, qui reprend. Ils savent pas qu'Allah leur a donné à manger dans le ventre alors qu'ils n'avaient pas de force ni la capacité de marcher pour aller chercher la subsistance. Maintenant qu'ils sont adultes et qu'ils sont forts, subhanallah, ils ont peur que leurs enfants ne mangent pas. Mais toi, tu étais dans le ventre de ta mère, la subsistance te parvenait par le cordon ombilical, tu n'avais pas de force. Maintenant que tu es un homme, tu as peur de nourrir, d'avoir des enfants et tu crois que c'est toi avec ta force tu les nourris. C'est Allah Azza wa Jal qui nourrit nos enfants. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dans Sourate al-Dhariyat, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est la sagesse de notre création. Adorer Allah seul d'un culte sincère. Puis Allah nous dit, je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'il me nourrisse, mais c'est plutôt Allah, le grand pourvoyeur. le détenteur de la force, l'inébranlable. C'est Allah Azzawajal qui donne à manger. C'est Allah qui donne la subsistance. Que tu sois pauvre ou que tu sois riche. Chaque enfant, il vient avec sa subsistance. Tout comme chaque épouse, elle vient avec sa subsistance. Ce n'est pas parce que tu es fort, pas parce que tu es intelligent que tu vas être plus riche. C'est Allah qui donne la subsistance à tes enfants. Ça a déjà été inscrit avant que tu viennes au monde. Puis à 4 mois dans le ventre, on inscrit cela, on envoie un ange. Donc n'aie pas peur de la pauvreté. N'aie pas peur de rechercher les enfants et des enfants pieux. Pas n'importe quel enfant. L'enfant, le musulman, il veut des enfants pieux. Il veut des enfants pour la piété, pour leur digne, pour leur droiture. Dans le cas contraire, ces enfants-là seront une grosse épreuve pour la personne. Wa nas'alullah al-'afiyah wa sliha wuladana. Ama ceux qui ont été affectés par les non-muslimines et qui disent « Ah, c'est trop, ah, il a 3 enfants, c'est trop. » Ou la ces mots-là, mais « A'ouzou billah, a'ouzou billah. » T'as 1 enfant. Si tu peux avoir 10 enfants et 10 enfants, 10 personnes en plus qui vont poser leur front par terre, tu vas être la cause de la réjouissance du prophète alayhi salatu wassalam yawm al-qiyam. Le prophète alayhi salatu wassalam vous dit à vous, « Tazawwajou l'waloud ou l'wadoud. » Épousez les femmes fécondes et affectueuses, car je me vanterai de votre grand nombre, yawm al-qiyam. Le prophète va être fier que sa communauté soit la plus grande, yawm al-qiyam. Ne veux-tu pas être toi la cause de cette joie du prophète, alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'on va être affecté par ces mauvaises idéologies? Il faut 1 enfant, il faut 3 enfants. Subhanallah. La personne, tellement qu'elle a vécu dans un endroit où qu'il l'a affecté, quand elle voit une personne qui a 3 enfants ou 4 enfants, elle dit « Ah oui, t'as 4 enfants. » Yani, c'est beaucoup ou bien c'est trop. Si toi, tu as une faiblesse, n'accuse pas les autres. Subhanallah. Si toi, tu as peur pour la subsistance de ses enfants, n'accuse pas les autres. Ou bien si à l'image des autres, tu as une faiblesse peut-être physique, n'accuse pas les autres. Allah Azza wa Jal donne la subsistance aux parents et aux enfants. Ça, c'est une aqida, c'est une croyance qu'on doit avoir. Et on doit rechercher les enfants. On doit se marier avec l'intention d'avoir des enfants. On doit rechercher l'enfant avec cette intention-là. Et la personne s'en voit récompensée. Et cette intention va avoir un effet bénéfique sur l'éducation donnée à cet enfant par la suite. Wa billahi tawfiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a voulu mettre fin à ces ténèbres et cet égarement et cette jahiliya jahla, il l'a élu, il l'a choisi et il lui a donné la révélation. Allah nous dit dans le Coran, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. N'as-tu pas vu celui qui était mort, à qui nous avons donné la vie, et nous lui avons assigné une lumière par laquelle il marche au milieu des gens. Il était mort par le kufr. On lui a redonné la vie par l'islam et l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'autre verset, Allah vous a certes fait don d'une grande grâce lorsqu'il envoya parmi vous un messager issu d'entre des vôtres. Il vous récite ces versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse alors qu'auparavant vous étiez dans un égarement évident. Le prophète alayhi salatu wassalam est une lumière, c'est une bénédiction. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. C'était le meilleur dans toutes les actions. C'était le meilleur des adorateurs d'Allah azza wa jalla. Il se levait et priait la nuit jusqu'à ce que ses chevilles enflent et ses talons se flantent. C'était le meilleur des époux. Il nous dit, je suis le meilleur d'entre vous, le meilleur avec ses épouses, et je suis le meilleur d'entre vous avec mes épouses. C'était le meilleur des parents. C'était le meilleur des pères avec ses enfants, avec ses filles. C'était le meilleur des éducateurs. C'était le meilleur des compagnons. Son meilleur ami était Abu Bakr et c'était le meilleur avec lui. C'est le meilleur avec les enfants. Il plaisantait avec les enfants et les portait sur son dos. Et un jour, alors qu'il était dans la prière en prosternation, son petit-fils est monté sur son dos. Alors le prophète est resté prosterné pendant un long moment. À la fin de la prière, ils ont dit « Ya Rasulallah, que s'est-il passé? On a eu peur pour toi. On a cru qu'il t'était arrivé une chose ou que la révélation était descendue sur toi. » Il leur a dit « Il ne m'est rien arrivé de tout cela. Mais mon fils que vous voyez, c'est-à-dire mon petit-fils, m'a pris comme une monture, alors j'ai détesté le déranger jusqu'à ce qu'il finisse de s'amuser sur moi. » Allahu Akbar. en prière, en soujoud, alors que l'un d'entre nous, alors que l'une parmi nous n'arrive pas à patienter sur son enfant alors qu'elle n'est pas dans la salat. En soujoud, fil masjid nabawi, le prophète alayhi salat wa salam, il patiente avec les enfants. Il est sur le minbar, il est en train de faire une khutbah, il discute, il s'adresse aux gens. Il les appelle vers ce à quoi il y a leur bien dans le bas monde et l'au-delà. Et il voit son petit-fils qui arrive, il est petit, il commence à marcher dans un beau vêtement. Il marche, il tombe, il se relève, il marche, il tombe, il se relève. Le prophète, il patiente, il parle, il regarde, il patiente, il parle. Puis il descend du minbar. Il l'attrape, il le porte. Et il dit, j'ai pas réussi à patienter sur lui. Une rahma qu'Allah Azza wa Jal a mis dans son cœur. Si les parents apprennent cette éducation, ils apprennent la sunnah. Voici la source qui va découler. Voici la source qui va arroser les foyers musulmans. Il était ainsi avec les enfants. Un jour, il vient et il remplit d'eau sa bouche et il se met devant un petit enfant et il tape ses joues pour jeter l'eau sur lui. Ainsi, il trouve la bénédiction et il le fait rire. Il accorde ses condoléances au petit frère de Anas ibn Malik qui a son petit oiseau qui est décédé, alors que ça n'est pas un humain. Il lui fait, yani, il le console. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre au sein de ses épouses et il prend un collier. Et il dit, je vais mettre ce collier autour du cou de la femme que j'ai, de la fille que j'aime le plus ici. Alors les épouses disent, khalas, c'est sûr, il va le donner à Aïcha. C'est perdu d'avance. Tout le monde réfléchit et tout le monde dit, c'est pour Aïcha, c'est perdu d'avance. Ensuite, il prend sa petite fille, la fille de Zaynab, Umayma, ou Umama, j'ai oublié, et lui met autour du cou, comme pour les faire rire. Naam, tout le monde a pensé à une adulte, mais en réalité, il l'a donné à la petite fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisanta avec ses épouses. Après avoir dépassé 50 ans, il fait la course avec Aïcha lors d'un voyage. Il fait la course avec Aïcha lors d'un voyage. Il dit aux hommes, avancez. Puis il dit, Aïcha, viens, nous faisons la course. Et à l'époque, les femmes étaient fines. Elles mangeaient peu, alors elle l'a dépassé. Il avait plus de 50 ans, c'était après l'égir. Puis, plus tard, lorsqu'elle oublia, lors d'un autre voyage, lorsqu'elle nous dit elle a pris du poids, il a dit aux hommes, avancez. Puis lui dit, allez, sabiquk, viens, faisons la course. Et elle a oublié cette histoire. Et il l'a dépassé. Il lui a dit, hadi bitilk, nous sommes désormais quittes. Il plaisante avec son épouse, alors que c'est le chef de la communauté. C'est l'imam de la communauté. C'est le chef de l'armée. C'est l'imam des musulmans. C'est l'enseignant. C'est le père. C'est le... Subhanallah. Malgré ça, il a le temps pour son épouse. Il a le temps pour ses enfants. Et Fatima entre. Il dit marhaban bibnati. Le cœur rempli d'affection pour ses enfants. Il dit marhaban bibnati. Que soit bienvenue ma fille. Et il la fait s'asseoir à côté de lui. Et il lui donne du temps. Et il l'écoute. Et il prend son avis. Et elle affecte ses affaires. Elle donne son avis, Fatima radiallahu anha. Il consulte ses épouses dans ses affaires. C'était le meilleur avec ses compagnons. Il plaisantait aussi avec ses compagnons. Un jour, il est parti au marché. Il a trouvé un homme qui s'appelle Zahir. Et c'était un pauvre. Il est venu derrière lui. Il l'a enlacé. Il l'enlaça. Et Zahir essaye de regarder à lui, qui est-ce? Et il lui dit, Yarsil, lâche-moi. Quand il voit que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne bouge plus. Car il est en contact, au contact de son bien-aimé. Il ne bouge plus. Alors le prophète le soulève et il dit, qui est-ce qui va acheter ce serviteur? Il est comme s'il le vend au marché. Il plaisante avec ses compagnons. Puis Zahir dit, Ya Rasulallah, tu ne tireras qu'un petit prix de moi. Je ne vois rien, moi je suis qui? Et là, il lui dit une parole, Allahu Akbar. Il lui dit, mais chez Allah, tu as une grande valeur. Hein? Allahu Akbar. La valeur de l'homme, ce n'est pas par rapport à sa qualité sociale. Pas par rapport à sa couleur. C'est pas par rapport à son sexe. C'est pas par rapport à son argent. C'est par rapport à sa piété. C'est par rapport à son tawhid. Par rapport à sa sunnah. C'est ainsi qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans tout, c'était le meilleur. Dans tout, c'était le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait de la pitié, de la miséricorde, même envers les animaux. Un jour, il est rentré dans un jardin, il a vu une chamelle. Cette chamelle est venue immédiatement vers lui. Puis il l'a tenue. Il a dit, qui est le propriétaire de cette chamelle? On a dit, un tel parmi les Ansar. Il lui a dit, elle s'est plainte à moi que tu la chargeais. Craignez Allah envers vos montures. Même la chamelle a tiré profit de la baraka du prophète sallam. Un jour, il est sur le minbar, alors qu'une femme parmi les ansars lui a fait confectionner un minbar de bois. Et lui, auparavant, il s'appuyait sur un tronc d'arbre. Il a laissé le tronc d'arbre pour utiliser le minbar. Le jour où il a fait la khutbah, on a entendu des pleurs du tronc d'arbre, comme le petit enfant qui gémit. Alors il est descendu du minbar, il a attrapé le tronc et il l'a serré comme le bien-aimé serre son bien-aimé. Et il a dit, le tronc d'arbre pleurait de par ce qu'il entendait auparavant du rappel d'Allah. Comme il l'a délaissé, il a gémi. Subhanallah. Al-Hassan al-Basri disait, ô vous les musulmans, le tronc d'arbre qui gémit, vous êtes plus à même de pleurer de par là l'éloignement du prophète alayhi salat wa salam de vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des époux, le meilleur des pères, le meilleur des grands-pères, comme vous l'avez entendu, avec Al-Hassan al-Hussein, avec ses petites filles, sallallahu alayhi wa sallam. C'était le meilleur envers les gens de sa communauté qu'il n'a pas vu. C'est celui qui a le mieux conseillé sa communauté. Il nous a fait des recommandations à en pleurer pour nous, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous connaissait pas, il ne nous a pas vus, mais il a pleuré pour nous parce qu'il a eu peur qu'on s'éloigne de l'islam. Il a eu peur qu'on ne suive pas son message. Un jour, il s'est levé une nuit et il a prié. Et il a récité la parole de Isa dans le Coran, « In tu'adhibuhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum, fa'innaka antal azizul hakim. » Si tu les châties, ce sont certes tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi certes le puissant, le sage. Et la parole d'Ibrahim, Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur rahim. Ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs, c'est-à-dire les idoles. Ainsi, celui qui me suit, il fait partie des nôtres. Et celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur et les miséricordieux. Puis il a pleuré. Allah Azza wa Jalla a dit au Jibril, va voir Mohammed et demande-lui ce qui le fait pleurer. Et ton Seigneur est plus savant. Jibril lui vient, le Prophète répond, Ummati, Ummati, il pleure. Ma communauté, j'ai peur pour ma communauté. Qu'adviendra-t-il de ma communauté? Il pleure. Jibril alayhi salam remonte l'information, bien qu'Allah le sache ou la connaisse. Puis il dit, retourne à Mohammed et informe-le que ce que nous ferons de sa communauté, il en sera satisfait. Allahu Akbar. Il en sera satisfait. Il a également dit, il y a des gens, j'aurais tant aimé voir mes frères. Ils ont dit, ya Rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères? Il leur a dit, vous êtes mes compagnons. Écoutez bien, mes frères sont ceux qui viendront après moi. Ils m'ont suivi, ont cru en moi, bien qu'ils ne m'ont jamais vu. Allahu Akbar, ce sont vous, c'est vous ces frères. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya laha min makruma. Est-ce qu'il y a un honneur après cet honneur-là? Est-ce qu'il y a une richesse après cette richesse-là? Le prophète alayhi salatu wa sallam t'a appelé toi, mon frère. Les sahaba, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, et nous? Il leur a dit, vous êtes mes compagnons. Vous êtes mes compagnons. Mais il y a des gens qui vont venir après, ils ne m'ont jamais vu, ils vont croire en moi, ils vont me suivre. Nas'alullah al-thabat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui a le mieux conseillé donc sa communauté. C'est celui qui a le plus patienté sur les nuisances des membres de sa communauté. Ils lui ont mis des coups le jour de la bataille de Uhud, jusqu'à faire rentrer son casque dans ses joues, jusqu'à casser de ses molaires, jusqu'à faire couler son noble sang. Malgré ça, il dit Allah maghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ou Allah pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Et il dit, comment pourrait réussir un peuple qui blesse son prophète? Et quand lui envoie l'ange des montagnes pour châtier ce peuple de Taïf qui lui a jeté des pierres et qui lui a nui, il dit non, mais j'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui vont adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. C'est la miséricorde qu'il avait envers les gens de Taïf avant l'ère de l'islam. Nous, peut-être, on ne trouve pas cela entre gens de la même communauté, entre gens du même foyer. Subhanallah. Entre parents et enfants, hommes et femmes, frères et sœurs, époux, épouses. Deux frères dans la mosquée, tu vois que l'un ne passe pas le salam à l'autre. Le prophète salam a eu ce comportement-là envers les gens de Taïf qui l'ont agressé, la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a complété sa religion et son comportement. Comme dans le verset de sourate Maada, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce que vous avez entendu, nous les musulmans, nous n'exagérons pas à l'égard des prophètes et des messagers. Et nous disons comme Allah a dit dans le Coran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Assurément tu mourras et ils mourront. Donc il était mortel. Il était sujet à ce à quoi nous le sommes. La naissance, la mort, la maladie, la santé, le bonheur, le malheur, la joie, la tristesse, les larmes, et ainsi de suite. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, comme vous l'avez entendu, cette première cause après l'ouverture de Maada, l'ouverture de Khaybar, après l'ouverture de Khaybar. On s'arrête ici. Ça, c'était l'introduction de la maladie Maada, de l'annonce de la mort du prophète alayhi salatu wassalam et de la cause de sa maladie. Et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, nous finissons sur le début de sa maladie. Naam. Ensuite, le fait qu'il ne sortit plus. Ensuite, Maada, yani les différentes étapes jusqu'à son décès chez Aïcha. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين